saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Voilà, Mukia qui l'a momoja wenu mu jina la Yesu Kristo. Vous êtes déjà fatigué? Munesha kuchoka? Êtes-vous fatigué? Eh si, munesha kuchoka? Levons-nous pour la lecture de la parole. Tutasimama njoo usomi wa neno. Ruth au chapitre 2. Ruth au mstari wa pili. Ruth au chapitre 2. Ruth sura yake ya pili. Verset 4. Kuanzia muine. Jusqu'au verset 7. Kufika paka msaba. Et voici Boaz vint de Bethléem. Atazama Boaz akafika mu Bethléem. Vint. Akaja mu Bethléem. Et il dit au moissonneur. Na akambia bale bakuvuna. Que l'Éternel soit avec vous. Wa milele pate kwa pamoja nani. Ils lui répondirent que l'Éternel te bénisse. Wavunaji wakamujibu wa milele apate kubariki. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur. Na Boaz akambia mtumishi mwenyewe ule kunaangalia mambo ya kuangalia pale biko navuna. A qui est cette jeune femme? Huyu binti mwanamke ni wa nani? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit. Na ule mtumishi kunaangalia mambo ya kuvuna akajibu. C'est une jeune femme moabite. Huyu ni binti wa Moabu. Qui est venue avec Naomi du pays de Moab. Huyu alirudia pamoja na Naomi muinchi ya Moabu. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes. Akasema muniruhusu nipate ko kwanza kulokotesha na kulokotesha miti mwabipungi mshamba. Derrière les moissonneurs. Nyuma ya bale beko navuna. Et depuis ce matin qu'elle est venue, na tangu asubuhi alifika, elle a été debout jusqu'à présent. Yeye alikuwa paka wa kushimama kufika paka na Isa. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Alipumzika tu kwa muda kidogo mnyumba. Merci notre Père. Asante baba yetu. Pour une journée que tu nous as donnée. Kwa hii siku netukaburia. Quelques heures que tu as ajoutées à notre vie terrestre. Depuis l'éternité, tu savais que ce soir nous serons ici. Viens au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce de recevoir suffisamment d'onction et élève-nous tous dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour que nos âmes soient nourries pour notre salut, pour notre paix, pour notre progrès spirituel. Mes frères et mes sœurs étaient ici depuis le matin. Toi qui nous as donné des oreilles, tu as les oreilles pour entendre. Parce que nous sommes des créatures créées à ton image. Descends Seigneur. Exauce la prière qui t'a été adressée ici. Tout pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Bénis la parole. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Dans le verset 4. Mumustari ya ine. Du chapitre de Ruth. Ya sura yake ya pili ya Ruta. Il est dit, voici Boaz vint de Bethléem. Humu banasema tazama Boaz anatokea kule ku Bethléem. Et dès son arrivée, il dit au moissonneur. Na pale pale tu arifika anaambia bavunaji. Que l'Éternel soit avec vous. Bwana apate kwa pamoja nani? Et il lui répondit. Kisha wavunaji wakamujibu. Que l'Éternel te bénisse. Bwana apate kukubariki. Si vous remarquez dans ces versets, kama munangalia mzuri mwi mstari, entre Boaz et le moissonneur, kati ya Boaz na bafunaji, entre le patron et le serviteur, kati ya chefu na benye kumutumikia, il y avait une très bonne communion. Kulikuwa mapatano mwa mzuri. Vous le voyez, vous le sentez. Muku naiona tu na muku naishikia. Boaz aimait ses serviteurs. Boaz alipenda watumishi yake. Boaz faisait confiance à ses serviteurs. Boaz aranza kutumainia watumishi yake. Boaz priait pour ses serviteurs. Boaz aranza kuombea batumishi yake. Et ses serviteurs faisaient confiance et aimaient leur maître. Na hapa batumishi barikuwa banesha kumupenda na baranza kumutumainia mkubwa wabo wa kazi. Il priait aussi pour lui. Bo barianza kumuombea. Une bonne atmosphère régnait au milieu d'eux. Alimwa mzuri kwa kando kando yao. Boaz n'avait pas les nerfs tendus. Boaz ashikwe kila mara paka wa kushirika. Comme s'il soupçonnait quelque chose de faux dans ses serviteurs, ses moissonneurs. Sawa alianza kuona mambo mwa mubaya ndani yao batumishi. Ce sont des bonnes relations qui doivent exister entre les maîtres et leurs serviteurs. Ni mahusiano mwa mzuri lenezi kuwa kwa kati ya mkubwa wa kazi na batumishi yake. Mais si vous travaillez avec un frère, kwa lakini kama huko natumika na ndugu wala na dada, vous le volez, huko na mwiba, vous trichez dans ce que tu fais, huko na ibia mbilo kunafanya, comment le maître peut avoir confiance en vous? Sasa je mkubwa wa kazi atakuwa na matumaini ndani yako. Et vous souhaitez la présence de Dieu dans votre vie. Na kumitakia uwepo wa Mungu mu maisha yenu. Non mon frère. Hapana ndugu yangu. Non ma sœur. Hapana dada yangu. Et si vous êtes maître, na kama wewe uko mkubwa, vous maltraitez tes serviteurs, huku natendea mubaya batumishi yako, vous les payez très mal, huku nebalipa mubaya, ils ont un cœur brisé, bo banesha kuvunjika moyoni mwao, comment ces serviteurs, sasa je hapa batumishi, peuvent réclamer la bénédiction divine sur toi? Banezi kukuombea baraka ya kimungu yulu yako? Non mon frère, non ma sœur. Hapana ndugu yangu na dada. Les relations entre les maîtres et les serviteurs, mapatano ama msiano kati ya mkubwa wa kazi na batumishi, doivent être cimentés par l'amour. Inapasha kuwa yenye kushimamia kupitia mapendo. La confiance. Kukuaminiana. La sincérité. Uwaki. Et l'honnêteté en toute chose. Na uaminifu mkila kitu. Le maître doit être à l'aise avec ses serviteurs. Kubwa wakazi anapasha kuwa eko na shikia fura na batumishi yake. Et les serviteurs doivent être à l'aise avec leur maître. Na batumishi yake na baba anapaswa kwanza kufurahikia pamoja na mkubwa wa kazi. Mais dans la Odyssée, les choses ont changé. Lakini mula Odyssée vitu haviko vile. Je pense que chacun de vous comprend ce que le Saint-Esprit veut dire. Na mina zania kila mmoja wetu anaelewa kile roho inatafuta. Hapana ila napenda kusema lakini ile eko nasema. Ça ne doit pas être ainsi. Bintu akifadhali bikuye vile. Dieu ne peut pas bénir une entreprise. Mungu hashiwezi kubariki kazi. Dans lequel les maîtres et les serviteurs ont des relations tendues. Mule mkubwa wa kazi na batumishi yake abapatane mzuri. Si nous préférons travailler avec nos frères et nos sœurs, tunatamani kutumika na banduku na badada. C'est parce que dans nos cœurs, ninjou ndani ya mioyo yetu, en tant que les membres d'une seule famille, sawa bena memba ba jamaa moya, nous nous faisons confiance les uns les autres. Tukune jaminia moja kwa wengine. Nous savons que nous sommes sous la bénédiction de l'Éternel. Unajua ya kusema shie tuko chini ya baraka ya wa milele. On ne peut pas se faire du mal les uns les autres. Hakuna kwanza kuumizana pamoja na bengine. Non, bien aimé frère. Hapana wapendwa nduku. Celui qui travaille pour son frère. Uleko natumikia nduku yake. Le fait de bon cœur. Eko naifanya na roho yote. Prie pour son maître. Eko naombea mkubwa wake ya kazi. Parce que sa bénédiction. Juu baraka yake. Dépend de la bénédiction de son maître. Inaangalia vile mkubwa wake wa kazi atabarikiwa. Le maître aussi. Na mkubwa wake wa kazi. Doit traiter honorablement. Anapasha kutendea na heshima. Ses serviteurs. Watumishi yake. Parce que lui aussi. Yeye na yeye. Sa bénédiction. Baraka yake. Dépend du travail. Iko naangalia mwenye kazi. Ses serviteurs. Ya mtumishi wake. Et là, il y a des relations en douceur. C'est pourquoi des fois je vous dis ceci. Vous les frères qui employez d'autres frères, apprenez à les traiter avec beaucoup de respect. Et payez-les correctement. Pour qu'ils vivent ensemble avec vous dans la bénédiction que Dieu t'a donnée. Et vous les serviteurs qui travaillez avec des frères comme maîtres, apprenez à être honnête, sincère, véridique. Ne détruisez pas les activités de vos frères et de vos soeurs. Priez pour eux. S'ils sont bénis, ils vous donneront un bon salaire. Ne détruisez pas les activités de vos frères. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est que le Saint-Esprit dit à l'Église. Bien le Saint-Esprit a insisté sur le comportement des rites. Yulu ya namna ya kutenda ya luta. Lorsque Ruth est entrée dans le pays d'Israël, wakati luta alifika muinchi ya Israeli, Elle a accepté de s'humilier. Arichikia kurishusha. Elle s'est dépouillée elle-même. Arijivula yeye mwenyewe. Elle a renoncé à sa valeur. Arijikataria kwa faida yake. Elle a renoncé à son honneur. Arijikataria kwa heshima yake. Elle a commencé par se traiter comme une femme une femme sans valeur. Arianza mbele mwenye kujitendea sa mwanamke bila bei. Elle n'a pas manifesté de l'orgueil. Yeye ashikuoneshe kiburi. C'est pourquoi elle accepta de faire un travail ya kufanya kazi humiliant ya kujinyenyekeza, un travail de mépriser, kazi ya benye kuzarauliwa, un travail des hommes et des femmes sans valeur, kazi ya banamuke na ya banaume bila bei. Elle acceptait de faire ce travail pour sa survie. Et Lot alichika kufanya ile kazi njuu ya kuishi kwake. C'est vrai, frère. Ni bia kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ni bia kweli dada. J'aime que l'église comprenne ça. Mimi napenda kanisa ipate kuelewa ile. Nous parlons pas de l'histoire. Si hapa tumeonyesha mambo ya maadisi. Nous vous parlons de manière munamna, à vous transmettre la vie ya kumikaburia uzima, qui est dans cette parole yenye kuwa muhimu semi, pourvu que vous la compreniez. Kama tu munaelewa yae. Si vous écoutez kama muku nashikia, comme une histoire qu'on est en train de raconter, sawa tu ni hadithi, mwabe kone miadithia, vous n'allez pas y tirer profit. Auta one amu kia kabaila. C'est pourquoi ouvrez votre matrice pour bien comprendre ce que le Saint-Esprit dit. Voilà pourquoi hier nous avons encore insisté. Pour montrer l'erreur de beaucoup de frères, de beaucoup de sœurs. Qui actuellement, présentement quand je parle, leur foi est errante, elle est instable. Au lieu de se rassurer, le salut, vous voyez, au lieu d'être réellement sauvés, ils sont venus au message, mais la plupart oublient l'essentiel et embrassent les secondaires. J'aimerais encore le dire très clairement. Aussi longtemps que tu n'es pas encore sauvé, ne vous précipitez pas apana kufia, à servir le Seigneur. Kutumikia Bwana. Vous n'y gagnerez absolument rien. Autaonea mufaida. C'est bien compris? Eti munaelewa? Ne vous précipitez pas apana kufia, à vouloir servir le Seigneur. Kupenda kutumikia Bwana. En réalité, kwa kweli, des gens qui doivent servir le Seigneur bantu bale banapasha kumutumikia Bwana, doivent être les enfants de la famille, banapasha kwa les enfants du royaume, banapasha kwa ni batoto bajama, batoto baufalme. Vous devez d'abord naître dans la famille de Dieu. Unapasha kwanza kwanza kuzali kwa mujama ya Mungu. Étant un enfant dans la famille, mwenye kuwa mutoto mujama, grandissez dans cette famille-là. Mwenye kukomelelea mwile jama. Lorsque vous atteignez un âge responsable, âge adulte, wakati utafika mkimo ya mtu wa kukomana, vous avez le discernement entre le bien et le mal. Mungu unakuwa na ufahamu ya kibaya na kizuri. Je lui-même peut vous donner maintenant une responsabilité. Mungu yeye mwenyewe sasa anaweza kukukaburia kazi mwa fulani. Un homme adulte, mtu wa kukomala, c'est un homme qui a un discernement. Ni mtu uleko na kupambanua entre le bien et le mal. C'est un responsable. Ni mtu mwenye kuchukua madaraka. Il peut prendre une décision responsable. Anaweza kubeba mpango ya madaraka. Il n'est pas un enfant. Ashina mtoto. Un enfant n'a pas de conscience. Mtoto ashina na dhamiri. Il n'est pas responsable dans les actes qu'il pose. Ashina na madaraka mwile kuna tenda. Et les hommes adultes, na bantu bakukomala, dans les domaines spirituels, mkiro, sont des hommes et des femmes ni banaume na banamuke qui sont baptisés du Saint-Esprit. Benye kuwa na Roho Mtakatifu. Quand un homme est baptisé du Saint-Esprit, wakati mtu yuko mwenye kubatizwa na Roho Mtakatifu, quand une femme est baptisée du Saint-Esprit, mwanaume au mwanamuke, il sera conduit par le Saint-Esprit. Yeye ataongozwa kupitia Roho Mtakatifu. Et quand il est conduit par le Saint-Esprit, wakati anaongozwa na Roho Mtakatifu, la promesse du maître dit, ahadi ya mkubwa wakati anasema, quand le Saint-Esprit viendra, wakati Roho Mtakatifu itakuja, il vous conduira dans toute la vérité. L'église est avec moi. Alors ne vous précipitez en rien. Tu ne seras pas en retard. Non, bien aimé. Tu seras utilisé au temps opportun et vous serez vraiment un don. Vous allez édifier utajenga l'église. Kanisa. C'est vrai. Ikweli. Mais avant ça, lakini mbele ya hii, continue à t'humilier. Wewe anza pa kujinyenyekeza. À vous repentir. Anza kulomba usamehe. À méditer la parole. Anza kufikiri neno. À réparer vos torts. Anza kutengeneza makosa yako. Voyez bien mes frères. Naona mpende ndugu. À prier. Kuomba. À jeûner. Kufunga chakula. Frère. Ndugu. Quand quelqu'un wakati mtu est souvent sous l'effet de la prière, eko paka kila mara chini ya maombi, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu lui révèle tout ce qui est faux en lui, itaanza kumfunulia byote byenye kuwa vibaya ndani yake, même ce qu'il pensait, hata ile alianza croyait, hata ile alianza kuwaambia ya kusema umwa muna nzambi. Vous n'avez pas compris. Je reprends. Muntu lamba anaombaka sana. C'est lui qui est sous l'effet de la prière. Eko kila mara muwepo ya Mungu. Chaque fois il est dans la présence de Dieu. Eko na pandisha atua yake ya utakashi. Il est en train d'augmenter son niveau de sainteté. Ndani ya maisha yake. Dans sa vie. Na kama atua ya utakaso yake iko napanda. Et à chaque fois que le niveau de sainteté est en train d'augmenter en lui, kuko mabintu, il y a des choses, kuko maisha, il y a une vie, kuko ma caractère, il y a des caractéristiques, kuko matendo, il y a des actes. Ile ule muntu anekaraka eko na fuanya. Et cette personne est en train de poser. Muntu anake monzambi na kibaya. Humainement, elle ne voit pas mal en cela. Mais dans la présence de Dieu, mais mwenye kuwa muwepo ya Mungu, comme il est tout le temps. Sawa vile kila mara, sous l'onction, eko chini ya upako. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, dans sa vie, mumaisha yake, dans son cœur, dans son âme, munafsi yake, lui révèle maintenant, itamfunulia, même le péché, atanzambi, que lui ne traitait pas comme péché. Il est yashi kwanze kuona ya kwamba ni nzambi. C'est vrai. Voyez comment le Saint-Esprit a parlé autrefois là. On a vu le Roho Mtakatifu iranza kutoonyesha. Vous supportez banamuke bakuvuala ma supportez manani, les femmes qui mettent ma jipe, des mini jupes, ya ma genou, des mini robes. Nous ne pouvons pas accepter. Maintenant, pour comprendre, il est mivuario ile. Que cet accoutrement là, ni nzambi, est un péché. Kama uko tout le temps, si chaque sous l'onction du Saint-Esprit, tu es sous l'onction du Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit, ataanza kukupatia haya, il viendra, il va te donner la honte. Chaque fois que tu ataanza kuvuala, à chaque fois que tu commenceras à t'habiller, ton esprit ne sera pas à l'aise ou tranquille. Ça c'est lié à l'expérience, pas à la connaissance. Hii ni mambo ya onjo, haina mambo ya ufahamu. Au tenda kubiro ya mzee ase mzee. Angala mbele mimi na bwana. Ni mzuri ni. Que je suis bien habillé ou pas? Non. Quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est seulement dans l'enseignement? Est-ce que c'est seulement dans l'enseignement? Non. Dans la vie de tous les jours. Quand parle, le prédicateur parle sous l'onction. Wakati mhubiri kuna kenda chini ya upako. Deux fois. Wewe kunashikia mara mbili. C'est que celui ou celle qui n'est pas né de nouveau entend une seule voix. Ule eko nashikia mara moja tu. Quand toi tu entends la prédication, l'Esprit de Dieu te parle à travers la prédication. Nipaka tu hadithi ya Ruth abeko nasema. C'est qui l'intéresse? Njoo paka ile namwangalia tu. Mimi vous lui poser la question. Hata kama unauliza barubiri nini? Na pale derite. Ah bari sema mambo ya Ruth. Ruth faisant un travail humiliant. Ruth aranda kwenda mkulokota lokota mashamba. Ni kweli. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a retenu. Yeye njoo paka ile ribamba amo tu. Que Dieu vous bénisse. Mungu imibariki. Et nous aussi. Nduku sisi na sie vile vile. Nous faisons ce travail. Nous faisons un travail de gens sans valeur. Frère, cher, dada, nous avons de la valeur seulement au devant de Dieu. Mais devant les hommes, nous n'avons pas de la valeur. C'est vrai, frère. Mais bien quoi, Linduku? Maisha ya bu Kristo, une vie chrétienne très consacrée. Maisha ya bu Kristo ya kujitoa sana. A toujours été. Nekalaka kila mara. Une condamnation. Hukumu pour les incrédules. Juu ya bakto kuamini. Et à cause de cela, na njuu ya ile, le monde nous méprise. Dunia inekalaka mkutubeula. Oui, bien-aimé frère. Ndio mpendwa nduku. Oui, bien-aimé sœur. Ndio mpendwa dada. Une vie entièrement consacrée à Dieu. Maisha yenye kujitoa kabisa kabisa kwa Mungu. N'est pas apprécié. Aikalake yenye kupendwa par le monde. Na bantu wa dunia. C'est ce qui amène le mépris sur nous. Njo ile netuleteaka kazarau. C'est que le monde considère. Ile dunia iko naone amo. Comme étant quelque chose de valeur et d'importance, un chrétien regarde cela comme de la boue. Deux visions entièrement opposées. C'est quoi nous vous conseillons? N'imitez pas le monde. N'imitez pas les païens. Nous sommes dans deux royaumes différents. Pas seulement différents. Deux royaumes opposés. Deux familles opposées. Nous sommes conduits par des esprits opposés. Oui, bien-aimé frère. Ndio mpendwa nduku. Oui, bien-aimé sœur. Ndio mpendwa dada. En vivant toute la parole de Dieu. Mukuishi neno yote ya Mungu. En obéissant à toute la parole de Dieu. Mukuti kuneno lote la Mungu. En pratiquant toute la parole de Dieu. Mukutumikia neno yote ya Mungu. Nous aussi. Shie na shie. Nous faisons un travail. Unafanya kazi. Des gens sans valeur. Ya bantu bila bei. Dans 1 Corinthiens. Mwa Korinto wa kwanza. Dans 1 Corinthiens chapitre 9. Chapitre 4. Mwa Korinto wa kwanza sura yake ya 4. Verset 9. Mstari wa 9 jusqu'au verset 14. Fika paka mstari ya 10 na 4. Car Dieu. Kwa maana Mungu. Il me semble. Inaonekana. A fait de nous apôtres. Alitufanya kuwa ba mitume. Les derniers des hommes. Bantu ya chini. Les derniers des hommes. Ba mwisho kati ya bantu. Des condamnés à mort en quelque sorte. Ale banesha kukumiwa kulufu munamu nyingine ya kusema. Oui, nous avons été un spectacle au monde. Tushie tulishimamishwa yulu sana mbele ya dunia. Aux anges et aux hommes. Kuba malaika na kubantu. Nous sommes fous. Tuko benye mazimu. À cause de Christ. Jutu ya Christu. Nous sommes fous. Tuko benda majimu. À cause de Christ. Juu ya Kristo. Mwanamke leo akuvala nkanjo mulefu. Une femme qui s'habille honorablement. Il est comme un chien maungu. Qui s'habille amplement. Dieu a ton dumba tote son démon. À cause maintenant des prostituées qui ont des démons. Et où tu imagines? Devant ces prostituées, elle est une folle. Dieu a couru à Mbele et à Wanamuke. Pour maintenant, c'est devant les femmes d'aujourd'hui modernes. Wanamuke wa kizungu. Une femme civilisée moderne. Il faut voiler. Il faut s'habiller. Tu m'encanjo, tu m'jipe. Des robes, des jupes. Tu connais ma forme yako. Des habits la tufupi. Et de courtes. Tu connais ma cuisse. Ma mollet. Qui met les cuisses à découvert. Celle qui porte de longues jupes. On les connaît voir là tout mousuri mousuri, jupe moulefu. Elle s'habille comme les femmes de l'Antiquité. Beko na mona kusema ni wakumukini. Comme on le disait. Paka vile tulianza kusema. Protéger sa virginité. Kuchunga ubikira wake. Ou un garçon chaste. Wala mwanaume wa kujizuiza banamu. C'est une folie. Ni majimu. Dans cette génération. Muigi kizaziki. Kuvunja kuvikira. Briser la virginité. C'est une gloire. Ni utukufu. Pour le monde. Juu ya dunia. Être vierge. Kuwa bikira. C'est être une folle. Ni kuwa kia majimu. C'est là le monde. Njo dunia hii. Nous sommes comme des fous. Mais vous êtes sage en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à ce jour, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités. Et dans ça et là, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde. Bouchafou, les rebuts de tous. Jusque maintenant, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Tout ça bouchafu. Nous sommes comme des bavures. Vous voyez une femme là, une femme qui est détériorée avec celle qui met des kanga journée. C'est ce que le monde appelle une femme moderne, civilisée. Ça, ça oui, une fille, une femme naturelle. Maintenant, oui, mwanamke wa kawaida, premièrement. Teint yako, naturel. Ton teint est naturel. Mwenye kufakala mafuta, yabila hydroquinone. Tu mets une lotion sans hydroquinone. Auna na matashi mumacho. Tu n'as pas devenu voir. Weye. Toi. Joko bumbafu. Tu es maintenant insensé. Par rapport wa muntu munekuya na makanda kumacho. Par rapport à celle qui est déjà détruite. Quelle perversion. Waribifu kanile. Benjako wanawekaka kona tuloko. Tes amis mettent un peu de poudre. Bonjour wa bumbafu. Ce sont elles qui sont stupides. Na biwelewe na biamajimu. Des insensés, des folles. Mais elle nous traite nous qui sont enfants de Dieu bon sens. Ayant le bon sens. Elle nous traite que nous ne sommes que des exactement des ce qui se passe dans les naturels. Il est il va aussi te pointer que c'est toi le fou. Lui-même là qui est malade. Exactement la perversion. C'est exactement Waribifu. Ça c'est comme way. Maintenant si toi. Frère Branham me dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Comme ma moquerie, si le mépris et les moqueries na du monde païen ya dunia ya kipagana ta triste inaanza kukulekesha wewe. Effet du mal. Inaanza kukumisha roho. Bana kucheka. Bana kuzarau. Bana kushimanga. Biko na kufana mubaya kuroho yako. Tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es au ya okolewa bana. Et tu n'as pas encore cru. Na au ya amini. Tu n'es pas lutte. Wewe una luta. Si les critiques des païens Kama et des païens leur mépris, leur caillerie, nous découragent, nous font mal. Inanza kutuma kuro, notre expérience est fausse. Pale sasa onjo yetu iku ya diabongu, tu n'as pas encore cru. Au ya amini. Bana nicheka sana kwa masomo, ipo ni wale hivi. No, tu n'as pas encore cru. Au ya amini. Tu ne comprends absolument rien. C'est faux, frère. Vous n'avez pas cette décision ferme. De lutte. Une décision ferme dans laquelle il y a une puissance positive qui résiste à tout ce qui est négatif à la parole de Dieu. C'est vrai. Et combien de gens comprennent ça? C'est vrai, mon frère. Vivez la parole. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Acceptez toutes les souffrances qui sont liées à la parole. Et vous ferez vraiment un travail humiliant. Humiliez-vous pour que Dieu lui-même vous élève à son temps. C'est vrai. Et regardez, avant que je ne continue, Boaz ici, qui dit à ses serviteurs, que l'Éternel soit avec vous. Quelle salutation. Donc, la salutation est même la salutation. Muko baraka. Il y a une bénédiction. Muko dedans. Salama. Il y a la paix. Muko dedans. Fura. Il y a la joie dedans. Il y a de l'encouragement. Muko ile kutiwa moyo. Que l'Éternel soit avec vous. Boaz. Il est le type de Christ. Yeye ni mfano wa Kristo. Il représente Christ. Anaonesha Kristo. Christ lui. Kristo yeye. Est l'héritier. Ni muriti. De toutes choses. Wa vitu vyote. Le Seigneur. Bwana. De la moisson. Wa bavuna wa mavuno. Il est le Seigneur de la moisson. Yeye ni Bwana wa mavuno. L'héritier de toutes choses. Muriti wa vitu vyote. Christ. Christo. Comme Boaz. Sawa vile vile Boaz. C'est lui ni yeye, qui était l'héritier de toutes choses. Il était le Seigneur de la moisson. Wa mavuno. Quand il vient alipika, parmi ses serviteurs, yake, il est souhaite akabatakia les bénédictions. Mabaraka. Il est souhaite anibatakia la présence de Dieu uwepo wa Mungu dans leur vie. Umaisha yabo. C'est vrai. Ni kweli. Quand on vit en harmonie avec la parole, wakati kunaishi mzuri na neno, le Seigneur Bwana est toujours avec nous. Atakuwa pamoja nasi. Quand on est en harmonie, on vit en harmonie avec la parole de Dieu. Wakati tuko mapatano mzuri na neno la Mungu, on vit dans la crainte du Seigneur. Tunaishi muboka ya Bwana. On vit dans le respect de la parole. Tunaishi muheshima ya neno. Alors cette écriture s'accomplit. Na hii andiko itatimizwa. L'ange de l'Éternel. Malaika ya wa milele. Campe toujours. Eko napika kampi. Autour. Mbele ya de ceux qui les kando ya wale wanamogopa. C'est-à-dire anayenga kampi. Ni kusema il camp. Voyez, unaona? Que l'Éternel wa milele soit avec vous. Apate kwa pamoja nanyi. Voyez, unaona? Que l'Éternel wa milele fasse de même. Bwana apate kufa makao yake. À côté de vous. Kumpembeni yenu. Soyez toujours avec Dieu. Pamoja quand vous êtes avec Dieu, kuna Mungu, vous êtes toujours heureux. Muko bara. Quand vous êtes avec Dieu, muko na Mungu, vous êtes fort. Muko na nguvu. C'est vrai, frère. Kweli ndugu. Quand vous êtes avec Dieu, muko na Mungu, vous profitez muko na faidia de ces multiples bénédictions. Muma baraka yake ya mingi yapachana ni kweli. Où sont les rites aujourd'hui? Meko wapi baluta leo? Qui veut être en harmonie avec leur maître? Qui veut être en harmonie avec sa parole? C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Que l'Éternel soit avec vous. Parce que si on est, si on est avec l'Éternel, si l'Éternel a érigé son camp anayenga à côté de nous, kando yetu, il est permanent pale à côté de nous, kando yetu, rien ne manque hakuna kitu kile kitakosewa à ceux qui le craignent. Kwa vale beko na muogopa. C'est vrai. Nikweli. C'est vrai. Nikweli. L'ange de l'Éternel. Malaika ya wamilele. Campe autour de ceux qui les craignent. Unapika kampi kando kando wale kuna mogopa. Frère. Nduku. Secret ya bu Christu. Le secret de la chrétienté. Ni kuheshimu neno la Mungu. C'est respecter la parole de Dieu. Mukila mambo. En chaque circonstance. Je n'ai pas encore nashika sama histoire. Voyez là, vous écoutez comme de l'histoire. Et vous ne comprenez pas la richesse qui est caché derrière ces paroles. Lakini amuelewe beyi kwenye kufuchika ndani ya hii neno. Regardez comment frère Branham a prêché. Mwangalie namna ile ndugu Branham arudi. Anasema les plus grands termes. Musemo ya juu sana. Les plus importants. Ya mafaa sana. Kumpe ile wanaweza souhaiter à quelqu'un. Kutakia kwa mtu. Les termes qu'on peut prononcer sur quelqu'un. Musemo ile unaweza kusemea kwa yulu ya mtu. C'est que le Seigneur. Ni kusema Bwana akubariki. Dans la bénédiction Mubaraka de l'Éternel. Ya wa milele. Il y a tout. Muko biote. Sur tous les plans. Mumambo yote. Il y a la bénédiction spirituelle. Muko baraka ya kiroho. La première bénédiction spirituelle. Baraka ya kwanza ya c'est le baptême du Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Après le baptême du Saint-Esprit. Baraka ya Roho Mtakatifu. Il y a des dons. Kuna kwa mazawadi. Après des dons. Kisha mazawadi. Il y a même le matériel. Kuna kwa na il y a l'argent. Kuna kwa mafuta. Il y a la santé. Il y a tout, il y a le progrès. En tout. Katika mambo yote. Frère, nduku. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je ne sais pas. Je pense que ceux qui sont fatigués par le diable, eux ne vont pas comprendre ce que l'Esprit est en train de dire. Ceux-là qui sont vraiment scellés par le diable ne vont pas comprendre ce que l'Esprit est en train de dire maintenant. Si tu marches avec Dieu, tu es béni de Dieu. Tu ne manques de rien. Nduku. Notre Dieu Mungu wetu se tient à côté de toi eko na shimama kando kando tous les jours à tout moment kila dakika jour et nuit usiku na mchana pour s'occuper de tes besoins juu ya kuhangaikia mahitaji yako. C'est Dieu ule Mungu qui est ton magasin. Ni Mungu je mwenye kuwa duga yako. Ye eko na kuchungia. Il est en train de garder ce que toi tu as besoin. Kama uko na besoin ya kintu. Si tu as besoin de quelque chose. Unamulomba. Tu lui demandes. Ye anaenda. Lui maintenant il part. Anafungula magasin. Il ouvre dans son magasin. Il te donne. Kumacho ya bantu. Devant des hommes. Uko muntu wa bule. Tu es néant. Uko mashikini. Tu es un pauvre. Hauna na valeur. Tu n'as pas de valeur. Même mbele ya Mungu. Mais devant Dieu. Uko mutajiri wa vitu vyote. Tu es le riche de toutes choses. Il gère ta vie pour te garder dans la foi. Comme on a coupé mon tocalé, si tu n'es pas encore sauvé, il voit que tu n'es pas, tu n'es pas encore adulte. Tu vas commencer à prendre le véhicule, tu vas chercher les produits. Si tu te donnes l'argent, même à l'église, tu seras toujours absent. Si Dieu te donne beaucoup de vêtements, tu seras seulement orgueilleux. Il est en train de garder sa place. Ce que toi tu vas mettre, tu ne vas jamais manquer l'habit à mettre. Bukari ya kuria. La nourriture. Na vile utakufuaka. Jusqu'à ta mort. Auta la laka na njala. Jamais tu ne peux dormir affamé. Batoto yako kwa masomo. Tes enfants à l'école. Bataisha na masomo. Seront scolarisés. Kupita na batoto ba cadre. Plus que même les enfants des cadres. Frère. Nduku. Boaz ni mtu wa bien. Boaz c'est un bon homme. Que l'Éternel soit avec vous. J'ai envie même d'arrêter. Que l'Éternel soit avec vous. Amen. C'est vrai, frère. Ndiyonduku. S'il est avec nous, qui sera contre nous? Même si je tombe malade, c'est parce que je suis dans la chair. C'est parce que Nico Mouili. Vous voyez bien mes frères? Non, non, pendant un doute. Aïe, n'a ce n'est pas parce que je suis en santé. J'ai ma santé. La santé. Et entre les mains de Dieu. Nico Mikono et Amungu. C'est vrai, frère. Mais bien quoi, que l'Éternel soit avec vous. Wa milela patepa pamoja nani. Amen. Wa bien mes frères. Naona mpendwa nduku. Kama nakupatia mago, anaacha magonjo ikubambe. Si il permet à la maladie de passer. Aone namna kani. C'est seulement pour voir utatumika, utatumikisha imani yako. Tu vas exercer ta foi. Tu vas te comporter comment? Utajitoa na je. Est-ce que tu as confiance en lui? Et tu unamtumainia? Est-ce que tu as pris la décision de lui? Et tu rêves à mon pango sa valuta? Vous voyez bien mes frères? Naona mpendwa nduku. Vous voyez bien mes frères? Naona mpendwa dada. C'est ainsi. Jovile. Que Christ dit. Luta yalisema. Le bien. Mizuri. Et le mal. Na bibaya. Qui nous arrive. Biko natufikia. Concours. Biko nafika. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a valé bana mpenda Mungu. Notre Dieu Mungu wetu, change même notre souffrance anabadilishaka mateso en bénédiction inakuwa baraka en bien mwinakuwa mema. Vous voyez bien mes frères, naona mpendo ndugu comme il est fait, comme il l'a fait avec Eric, paka vile alifanya na Luta. Vous voyez bien mes frères, naona mpendo ndugu damba kutoka chini elle est montée en haut anapanda yulu. Et même aujourd'hui nous parlons d'elle na kufika na leo shia batu kunasemea yulu ya Luta. Et de la lignée de Ruth, na mukizaji ya Luta, notre Seigneur Jésus-Christ, Yesu Christu, le wetu, Rédempteur, Mokozi, le Sauveur du monde, Mokozi wa ulimwengu yote, est né d'elle. Alizaliwa kupitia Luta. C'est dans sa progéniture. Ni kupitia mukizaji yake. Mais là, nous m'habitons. Hein? Mais lakini alikuwa mupagano mtu wa taifa. Nous en parlerons. Tutasemea yulu ya ile. De ce Dieu qui ne fait pas exception de personne. Yulu ya huyu Mungu ashikalake na ubaguzi ya kuchakula. C'est Dieu. Ni Mungu huyu. Qui gère notre vie. Et kunaongoza maisha yetu. Ichika. Accepte. Kutembea naye. De marcher avec lui. Tembea naye. Marche avec lui. Tembea naye frère. Marche avec lui mon frère. Marche avec lui ma sœur. Bakia na Mungu. Demeure avec Dieu. Que Dieu Mungu soit avec vous. Apate kwa pamoja nani? Amen. Même la nuit, qu'il soit avec vous. Apate kwa quand toi tu dors, wakati unalala, lui, yeye, il est sur toi. Eko napika kampi quand yako, toi tu marches, wakati unatembea, il est un ami. Yeye ni rafiki, il est sur toi. Ule eko nakesha la véritable sentinelle. Yeye ni njamu wa kweli. Que l'Éternel, que notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Apate kwa pamoja nani? Amen. Levons-nous pour la prière. Tutashimama juu ya maombi. Nous allons continuer. Tutaendelesha. Levons-nous pour la prière. Usimame juu ya maombi. Que l'Éternel. Wa milele. Soit avec vous. Apate kwa pamoja nani. Que l'Éternel. Wa milele. Soit avec vos maisons. Apate kwa na manyumba yenu. Que l'Éternel. Wa milele. Soit avec votre foi. Apate kwa na imani. Que l'Éternel. Wa milele. Soit avec votre travail. Apate kwa na kazi. Que l'Éternel. Wa milele. Soit avec vos enfants. Apate kwa na watoto. Que l'Éternel. Wa milele. Soit avec ton mari. Apate kwa na wako. Que l'Éternel. Wa milele. Soit avec ta femme. Akuwe na bibi yako. Que l'Éternel. Wa milele. Soit avec tout votre être. Akuwe na bumuntu bwako. Que l'Éternel. Wa milele. Soit avec cette église. Akuwe na hii makutano. Que l'Éternel. Wa milele. Soit avec vos conducteurs. Apate kwa na waongozi wenu. Amen. Accenté. Prions. Tuombe. Merci Seigneur pour la portion de la parole.